Nous n'étions plus que 5 sur le toit. L'eau nous laissait à peine une étroite bande libre le long du faîtage. Une des cheminées venait d'être emportée. Il fallut soulever Véronique et Marie, évanouies, les tenir presque debout, pour que le flot ne leur mouillât pas les jambes. Elles reprirent enfin connaissance, et notre angoisse s'accrut, à les voir trempées, frissonnantes, crier de nouveau qu'elles ne voulaient pas mourir. Nous les rassurions, comme on rassure les enfants, en leur disant qu'elles ne mourraient pas, que nous empêcherions bien la mort de les prendre. Mais elles ne nous croyaient plus, elles savaient bien qu'elles allaient mourir. Et, chaque fois que ce mot mourir tombait comme un glas, leurs dents claquaient. Une angoisse les jetait au cou l'une de l'autre. C'était la fin. Le village détruit ne montrait plus autour de nous que quelques pans de murailles. Seule, l'église dressait son clocher intact, d'où venaient toujours des voix, un murmure de gens à l'abri. Au loin, ronflait la coulée énorme des eaux. Nous n'entendions même plus ces éboulements de maisons, pareils à des charrettes de cailloux brusquement déchargées. C'était un abandon, un naufrage en plein océan, à 1000 lieues des terres. Un instant, nous crûmes surprendre à gauche un bruit de rame. On aurait dit un battement, doux, cadencé, de plus en plus net. Ah, quelle musique d'espoir! Et comme nous nous dressâmes tous pour interroger l'espace, nous retenions notre haleine. Et nous n'aperçûmes rien. La nappe jaune s'étendait, tachée d'ombre noire, mais aucune de ces ombres, cimes d'arbres, restes de murs écroulés, ne bougeait. Des épaves, des herbes, des tonneaux vides nous causèrent des fausses joies. Nous agitions nos mouchoirs jusqu'à ce que, notre erreur reconnue, nous retombions dans l'anxiété qui frappait toujours nos oreilles, de ce bruit sans que nous puissions découvrir d'où il venait. « Ah, je la vois !» cria Gaspard brusquement. « Tenez là-bas, une grande barque !» Et nous désignait, le bras tendu, un point éloigné. Moi, je ne voyais rien. Pierre non plus. Mais Gaspard s'entêtait. C'était bien une barque. Les coups de rame nous arrivaient, plus distincts. Alors, nous finîmes aussi par l'apercevoir. Elle filait lentement, ayant l'air de tourner autour de nous, sans approcher. Je me souviens qu'à ce moment, nous fûmes comme fous. Nous levions les bras avec fureur, nous poussions des cris à nous briser la gorge. Et nous insultions la barque, nous la traitions de lâche. Elle, toujours noire et muette, tournait plus lentement. Était-ce réellement une barque? Je l'ignore encore. Quand nous crûmes la voir disparaître, elle emporta notre dernière espérance.